Oui, un an de Covid dans les pattes, un an d'inquiétude, de confinement, de reprise épidémique, de chiffres de mortalité, de proches qui tombent malades, de reconfinement, de variants anglais, brésiliens. Un an d'éloignement de nos proches, de nos amis, un an loin des concerts, des cinémas, des lieux de détente. Un an et ce n'est pas terminé et on ne sait même pas bien quand ça va s'arrêter. Autant de facteurs de stress constants qui conduisent à des formes de stress chronique et qui peuvent aboutir à tout un tas de troubles dont la dépression. Mais le stress chronique, c'est quoi exactement? Pourquoi les réactions de stress aigu peuvent s'installer au long cours et devenir délétères pour notre santé? Stress, un ennemi pour la vie, c'est le programme un peu anxiogène qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ce stress, de la façon dont il devient chronique, de ses effets et aussi des moyens de lutter contre, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Pierre Moisan. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directrice de recherche INRAE dans l'équipe nutrition, mémoire et glucocorticoïdes de Bordeaux Neurocampus. Et Sébastien Parnaudot, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche CNRS à l'Institut Biologie Paris-Seine dans l'équipe expression des gènes et comportements adaptatifs du département neurosciences Paris-Seine. C'est une émission en partenaire avec notre partenaire chéri Sciences et Avenir la Recherche qui consacre sa couverture de l'édition de février à cette question cerveau-émotion, vaincre le stress. Voilà, mais on commence le tour, on commence par le tour de l'actualité scientifique et covidistique puisqu'il y en a du week-end. C'est avec le Journal des Sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer, une étude parue ce matin dans la revue Nature Communications, le mensonge peut s'entendre au simple son d'une voix. Et des chercheurs du CNRS et de l'IRCAM ont mené différentes expériences sur la prosodie. La prosodie, hein, c'est la musicalité d'une voix, hein, son volume, ses modulations et accentuations. Pouvons-nous détecter le mensonge juste à partir de la prosodie et sans prendre en compte d'autres facteurs comme les regards fuyants par exemple? Alors 20 participants ont écouté des énoncés prononcés avec différents niveaux de certitude, puis ils devaient jauger lequel de ces énoncés leur paraissait le plus malhonnête et incertain. Les analyses acoustiques de ces enregistrements montrent qu'il existe une signature prosodique de l'honnêteté. Alors, il s'agit d'une diction rapide, une intensité forte au milieu du mot et une hauteur qui redescend en fin de mot. À l'inverse, l'incertitude d'une personne est liée à une diminution du volume et à une intonation plus forte. Selon ce papier, la prosodie de la parole porte des marqueurs de mensonge plus fiables que d'autres comportements. Et si vous voulez tout savoir sur cette étude dont vous parle Natacha, ainsi que sur d'autres études que nous allons mentionner au cours du Journal des Sciences ou de cette émission, vous en avez l'habitude maintenant, vous pouvez retrouver tout cela via notre fil Twitter tenu en direct par Noémie Naguet, et c'est sur notre compte @laméthodefc. Et on passe au bref. On fait le point sur l'épidémie de Covid-19. Selon une prépublication, le vaccin Oxford-AstraZeneca serait efficace contre le variant anglais. Et des chercheurs britanniques ont analysé les écouvillons des participants de l'essai clinique qui ont été testés positifs au SARS-CoV-2 entre octobre et janvier dernier. Cela leur a permis de déterminer s'ils avaient été infectés par le variant britannique B117 ou par le virus initial. Leurs résultats doivent encore être examinés par des pairs, mais selon ce papier, le vaccin protégerait aussi du variant britannique. Selon les souches, le taux d'efficacité du vaccin est similaire, 74% d'efficacité contre le variant B117 et 84% d'efficacité contre le virus initial. Et selon un bilan dressé par l'AFP, la pandémie de Covid-19 a fait près de 2,3 millions de morts dans le monde. De 2,3 millions de morts en seulement 13 mois, selon les chiffres officiels. Ce sont les États-Unis qui payent le prix le plus lourd avec plus de 459 000 décès, suivi du Brésil et ses 230 000 morts, puis du Mexique et ses 164 000 décès. Par ailleurs, les mesures prises contre le Covid-19 ont aussi un effet drastique sur les autres épidémies hivernales. Oui, c'est ce que montrent les derniers bulletins épidémiologiques de Santé publique France et des données de SOS Médecins. Grippe, gastro ou bronchite, ces virus saisonniers ont une activité très faible. Entre la fermeture des lieux de sociabilité et les gestes barrières, la circulation de ces virus a été stoppée. En France, ces derniers mois, aucun de ces virus n'a atteint son pic épidémique. Depuis octobre, aucun cas grave de la grippe n'a été signalé. Et enfin, le laboratoire Sanofi a présenté ses résultats financiers pour 2020 et annonce un dividende en hausse pour ses actionnaires. Le laboratoire français, qui a perdu la course au vaccin contre le Covid-19, avec son vaccin qui ne sortira pas avant la fin 2021, a annoncé l'an dernier la suppression de près de 1700 postes en France, dont 400 emplois dans la recherche. Et pourtant, en 2020, le bénéfice net du groupe a augmenté de 340% en un an, soit 12,3 milliards d'euros de bénéfice net. Sanofi est le 8e groupe pharmaceutique mondial. Il prévoit pour 2021 un bénéfice toujours en hausse. Après 10 ans de plans sociaux consécutifs, le groupe souhaite réaliser un plan d'économie de 2,5 milliards d'euros d'ici la fin 2022. Merci bien Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Le stress serait-il le mal contemporain par excellence? Qui n'a jamais eu de troubles de sommeil liés à une surcharge d'activité professionnelle, de rumination liées à l'actualité trop chargée comme celle que nous venons de vous décrire autour du Covid, des douleurs dans le dos, mal au ventre, des migraines, voire pour les cas les plus sévères, des poussées dépressives. Autant de conséquences possibles de crises de stress ou d'angoisse. Et pourtant, le stress est à l'origine une réaction naturelle, positive de notre organisme à un danger, une façon de le mettre en ordre de bataille pour réagir de la façon la plus rapide et la plus efficace. Problème, eh bien, lorsque ce stress est provoqué régulièrement, qu'il s'installe, c'est tout l'inverse qui se produit. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans ce contexte pandémique que nous venons de vous décrire et qui suscite tant de stress quotidien depuis près d'un an. Mais si vous pensez que l'époque actuelle a le monopole du stress, vous vous fourrez un doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, comme dit l'expression consacrée, en témoigne notre archive du jour qui remonte à 1960. C'est très bien, c'est très prudent de dire, d'écrire que notre machine nerveuse est survoltée. Nous le savons, nous le comprenons, notre système enregistreur est saturé d'images, de bruits, de paroles, d'informations. Les mécaniques inventées par l'homme se retournent contre lui, exigent de lui une sorte de rançon. C'est génial d'avoir inventé l'automobile. Et maintenant, les voitures sont si nombreuses qu'il est impossible d'assister à leur défilé pendant quelques minutes sans avoir le vertige. C'est prodigieux, la radio, la télévision. Et voici qu'elles ont tué le silence et la détente. Ajoutez les inquiétudes devant les exigences de la vie trop chère, trop absorbante. Ajoutez les soucis, les devoirs familiaux. Pour affronter cette fatigue démesurée, mal compensée par quelques heures de sommeil, il faut un inusable cerveau d'acier que bien peu possèdent. Alors que faire? Comment le rencontrer, cet apaisement que les physiologistes nous ordonnent? En fuyant la ville le dimanche, encore est-il nécessaire de le pouvoir et de savoir où aller? En comptant sur les 3 ou 4 semaines de vacances annuelles pour effacer comme par miracle 48 semaines d'épuisement, en arrêtant net la marche des inventions, des découvertes, impossible. Nous sommes pris dans l'engrenage, bon gré, mal gré. Bref, le moment est venu pour nos dirigeants de se préoccuper un peu moins du travail et beaucoup plus du repos. Et ce n'est pas commode. Une collectivité si active, devenue si active, par quel moyen lui apprendre à ne rien faire sans qu'il en résulte un manque à gagner? Voilà la description des ravages du stress en 1960. Finalement, est-ce que cela a beaucoup changé aujourd'hui au 21e siècle? Marie-Pierre Moisan, votre réaction à cette archive? Alors moi, je dirais que le stress, il existe depuis toujours, hein, depuis la préhistoire. Je pense que les gens étaient déjà stressés parce que ils avaient des angoisses qui étaient différentes des nôtres, mais ils en avaient quand même. Trouver de la nourriture, combattre les bêtes féroces, voilà, c'était des interactions aussi sociales par rapport à des relations de dominance. Tout ça, ça existe depuis la nuit des temps. Donc, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que le type de stress a évolué avec les technologies. C'est un petit peu ce qui était dit dans cette archive. Mais par contre, donc, les mécanismes de stress, ils existent depuis toujours et sont à peu près les mêmes. C'est probablement plus le type de stress, et est-ce que c'est plus abondant? Je suis pas sûre, finalement. Sébastien Parnaudot, votre point de vue à ce propos? Oui, bah je suis assez d'accord avec ce que Marie-Pierre Demoisan vient de dire. Les mécanismes de stress, ils sont anciens et leurs dysfonctions sont anciennes également. Et c'est des mécanismes qui sont assez conservés aussi dans l'évolution. Donc on peut dire que la nature du stress change ou pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui est présent chez l'homme, c'est quelque chose qui est présent également chez l'animal de façon générale. Et je pense que c'est toujours des mécanismes qui sont mis à contribution, que ce soit dans la préhistoire, comme on vient de l'évoquer, ou bien dans les années 60, ou bien maintenant. Est-ce que vous ne diriez pas, parce qu'on lit facilement que le stress serait le mal contemporain par excellence, un peu comme le spleen ou la mélancolie était le mal de la fin du 19e siècle, vous ne diriez pas que nous sommes soumis aujourd'hui, que nos rythmes de vie nous soumettent à ce qu'on va définir dans quelques minutes comme un stress chronique de manière plus constante que ça ne pouvait être le cas il y a 100, 200, 500, je ne sais pas, tant d'années, Sébastien Parnaudot? Je pense juste que ça a éventuellement un peu changé, c'est-à-dire que maintenant on va avoir beaucoup de stress qui sont plutôt d'ordre psychologique, liés notamment à la situation, je sais pas, d'un point de vue professionnel par exemple. Les stress qui étaient certainement ressentis auparavant par nos ancêtres, à une époque où la vie était plus difficile, mais plus difficile aussi physiquement, c'était des stress plutôt d'ordre physique, d'ordre métabolique également, dû à moins de ressources notamment. Donc je pense que la nature des stress a certainement changé, oui. Marie-Pierre Demoisan, est-ce qu'on peut dire que, en tout cas, là, depuis un an, depuis cette épidémie de Covid, le niveau global du stress auquel nous sommes subis, que nous vivons, a légèrement augmenté, que nous sommes subis à une forme de stress chronique, collectif, lié à tout ce que la pandémie et à ce qu'elle a changé dans nos vies, eh bien, a comme influence? Oui, certainement, parce que on retrouve dans cette pandémie des facteurs de stress très connus, comme l'isolement social, donc en particulier pour les personnes qui se retrouvent seules. Ensuite, il y a beaucoup d'anxiété qui va être générée par la situation économique, par le fait qu'on ne sait pas quand on va sortir de cette situation, par la privation de quand même un certain nombre de libertés. Avec bien évidemment certainement une grande variabilité dans la façon dont sont perçues ces contraintes. Sébastien Parnaudot, excuse-moi, je vous ai interrompu, Marie-Pierre Demoisan. Oui, juste pour dire, je pense que c'est quelque chose qu'on va évoquer plus tard, mais donc évidemment la perception des contraintes va être très variable et donc va générer des réponses de stress qui vont être aussi très variables d'un individu à l'autre. Mais globalement, c'est certain que globalement, collectivement, c'est évident et des études l'ont déjà montré. Il y a une augmentation du stress ressenti dû à cette pandémie. Sébastien Parnaudot. Oui, c'est vrai que c'est une situation évidemment stressante, on en parle beaucoup, aussi dans le contexte de la psychiatrie, il me semble que vous aviez reçu Marion Le Boyer il y a quelques temps, qui vous a parlé de ça, on y reviendra là aussi entre le lien stress et psychiatrie notamment. Je pense qu'il y a un facteur important, notamment dans cette pandémie, c'est par rapport au stress, c'est la perte de contrôle. Un stress est vécu très différemment en fonction du contrôle qu'on pense avoir sur la situation. Et c'est vrai que, par exemple, lors d'un premier confinement où on imagine que tout ça va vite s'arrêter, que c'était un mauvais cauchemar et que, globalement, on va faire juste un confinement et après, ça va repartir, la situation était différente d'un point de vue ressenti de façon générale par rapport à des confinements qui se prolongent, qui se répètent, des variants qui arrivent dans tous les sens et qui globalement font que les gens se demandent à quel moment on va pouvoir sortir de tout ça. Et donc ça résulte en une perte de contrôle assez claire et qui est un facteur aussi aggravant, en tout cas qui change la nature du stress. Voilà, et je vais renvoyer les auditrices et les auditeurs vers l'émission que nous avions consacrée précisément aux conséquences psychiatriques de cette épidémie de Covid. Mais au cours de cette heure, nous allons parler plus précisément du stress. Et vous allez voir que quand on parle de stress, on ne parle pas forcément de mauvais stress. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons donc du stress aigu et du stress chronique et de ses conséquences. Nous en parlons avec Marie-Pierre Moisan et Sébastien Parnaudot. Alors justement, parlons-en, Sébastien Parnaudot, qu'est-ce que c'est exactement, de quoi on parle quand on parle de stress ? Alors, le stress, en fait, c'est un terme qui est relativement ancien, et la façon dont on l'utilise, en fait, il découle notamment de la biologie, et également de la physique. La biologie l'a emprunté à la physique. Typiquement, en physique, le stress, c'est par exemple la pression qu'on va exercer sur une barre en métal, par exemple, et qui va provoquer une déformation, qui est le strain. Et donc, en fait, le terme stress est maintenant utilisé au niveau biologique pour parler à la fois des pressions qui s'exercent sur l'organisme, hein, via les changements environnementaux, et également pour définir la réaction. Donc le même mot, cette fois-ci, est utilisé au sens biologique pour décrire aussi bien la cause que la conséquence d'un point de vue physiologique. Donc en fait, ce sont tous les mécanismes qui vont permettre de répondre de façon générale au changement de l'environnement. Alors il y a des systèmes qui ont été étudiés beaucoup, ce qui n'empêche pas qu'il reste beaucoup d'inconnus. Parmi ces systèmes, il y a l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et les glucocorticoïdes dont on va parler. Il y a aussi le système sympathique, et tous ces systèmes-là s'organisent pour avoir une réponse adéquate aux changements environnementaux. Marie-Pierre Moisan, la définition peut-être biologique stricto sensu, qu'est-ce qui se passe quand on est victime de stress et qu'on déclenche une réaction de stress, puisque comme l'a très bien dit Sébastien Parnaudot, le mot fonctionne à la fois pour le stimulus et pour la réaction. Alors, d'un point de vue biologique, il se passe des tas de choses avec en place centrale le cerveau qui va percevoir ces modifications de l'environnement et qui va traiter cette information pour en évaluer les risques et puis aussi pour définir des stratégies pour y faire face. Alors d'un point de vue strictement biologique, il y a des tas de médiateurs qui vont être impliqués et donc avec des vagues successives, on va dire, dans le temps. Et les premiers qui vont sortir, c'est les neurotransmetteurs, en une fraction de seconde, on va avoir des élévations de neurotransmetteurs tels que les monoamines. Donc, on parle là de noradrénaline, dopamine, sérotonine. Et ces neurotransmetteurs, ils vont avoir des effets hyper importants, justement, donc dopamine, par exemple, pour l'évaluation des risques et puis aussi dans les prises de décision par rapport à des stratégies. Et la noradrénaline, très vite, elle va permettre d'explorer son environnement au lieu d'avoir une attention très focalisée sur quelque chose. Donc après ces monoamines, très très vite aussi, il y a tout ce qui est neuropeptide, et celui dont on parle beaucoup dans la réponse au stress, c'est la corticolibérine. En anglais, c'est CRH, pour corticotropine releasing hormone. Et donc ce CRH, il va être libéré dans deux endroits stratégiques, que sont le locus ceruleus, qui est une région qui est dans le tronc cérébral, et puis dans les noyaux amygdaliens. On parle de l'amygdale de façon générale, donc pas confondre avec les amygdales bien sûr. De la gorge. je le dis parce qu'il y en a qui confondent. Et donc ce CRH, donc c'est un neuropeptide qui, avec d'autres neuropeptides, par exemple avec l'arginine vasopressine, au niveau de l'hypothalamus, va déclencher ce dont Sébastien a juste parlé, c'est-à-dire l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. C'est-à-dire que ce neuropeptide va activer au niveau de l'hypophyse, qui est une glande à la base du cerveau, l'ACTH. En français, on l'appelle l'hormone adrénocorticotropine, qui, elle, va être libérée dans le sang et va agir sur les glandes surrénales pour induire la synthèse et la sécrétion d'hormones glucocorticoïdes, qui vont être sécrétées dans le sang et qui, elles, vont atteindre tous les organes par le biais de leurs récepteurs. Mmh. Le CRH au niveau du locus ceruleus, lui, il va activer le système sympathique, donc Sébastien a parlé aussi juste avant, pour induire la sécrétion de noradrénaline au niveau des terminaisons nerveuses, pareil dans tout le corps, et de l'adrénaline au niveau également de la surrénale, mais au cœur de la surrénale, dans la médulla. Et là, donc, une circulation sanguine pour atteindre aussi de nombreux organes. Mmh. Et puis, ce qui est très important dans cette réaction de stress, quand il est aigu, donc, qu'il est donc adaptatif, bénéfique pour l'organisme, c'est qu'il y a un rétrocontrôle négatif. C'est ça. De ces hormones de stress, les glucocorticoïdes en particulier, donc qui vont inhiber leur propre synthèse en agissant en retour au niveau du cerveau dans les zones d'activation de l'axe corticotrope, donc c'est-à-dire l'hypothalamus et l'hypophyse en particulier. On va beaucoup parler hein, de l'adrénaline et des glucocorticoïdes, et c'est effectivement ce qui est très important, ce que vous notez là, Marie-Pierre Moisan, c'est ce double rôle de rétrocontrôle et de retour à l'homéostasie. Peut-être qu'on peut, là on parle effectivement, et il faut bien distinguer les deux, de stress aigu, c'est-à-dire d'un seul coup d'un stimulus qui peut être d'ailleurs de plusieurs types, Sébastien Parnaudot, et qui va induire, en fait, qui va mettre tout le corps, et ça aussi c'est quelque chose que je vais vous demander de préciser grâce aux glucocorticoïdes, tous les organes d'un seul coup vont être mobilisés, soit avec une réaction amplifiée, soit au contraire avec une réaction diminuée, pour pouvoir immédiatement répondre à quelque chose qui vient de surgir dans le champ de conscience. Oui, tout à fait. Bah, en fait, Marie-Pierre a très bien décrit les grands systèmes de réponse au stress, et notamment à un stress ponctuel. En fait, ces deux systèmes s'articulent dans des vagues assez bien organisées, on va dire. Le système sympathique, l'activation du système sympathique, par exemple, lorsqu'on voit, je sais pas moi, quand on a un stimulus menaçant, on voit un serpent, par exemple. On se retrouve avec une activation du système sympathique, une libération d'adrénaline. Tout ça, ça va provoquer l'accélération du rythme cardiaque, une vasoconstriction, donc une augmentation de la pression artérielle, entre autres. Ça va promouvoir aussi des comportements, soit de lutte, soit de fuite. Ça va aussi provoquer l'utilisation d'énergie rapide par l'ensemble des organes, notamment les muscles. Donc ça, c'est la première vague, c'est la vague d'alarme, hein, ce qu'on appelle fight or flight. C'est comme ça que ça avait été défini au départ par Walter Bradford Cannon. Et derrière, ensuite, la réponse des glucocorticoïdes, elle participe en partie à cette phase d'alarme, mais participe également à une phase, on va dire, de récupération qui permet de cohabiter avec le stress s'il est amené à durer, et qui permet aussi de préparer à un stress futur qui va éventuellement arriver. Notamment, ça va agir au niveau métabolique, au niveau du foie, ça va permettre la gluconéogénèse, donc de restaurer notamment des sources de sucre et d'énergie. Ça va aussi agir au niveau, bah, par exemple, au niveau de l'inflammation, si jamais le serpent en question nous a mordu. Si jamais on est blessé, il est intéressant d'avoir un système qui va réprimer un petit peu l'inflammation, qui va permettre de la terminer. Et ça va agir aussi donc au niveau du cerveau, notamment pour modifier certains comportements, et notamment moduler fortement la mémoire, et notamment la mémoire associée à la peur. Donc ça va participer à tous ces mécanismes. Le problème étant que si le stress continue encore, tout ça, ça a un coût énergétique. On parle de poids allostatique, en fait. Et du coup, on va arriver à ce qu'on appelle un épuisement. Et donc, c'est dans ces cas-là que, justement, les pathologies peuvent survenir, pathologies métaboliques, mais aussi pathologies psychiatriques. Mmh. Justement, c'est ça qui est intéressant. Là, on parle d'une réponse dont on entend bien et dont on comprend bien comment elle a été conservée, voire amplifiée par l'évolution, même si les stress d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes stress qu'hier. Que se passe-t-il, justement, une fois qu'on est sorti de ce stress ponctuel, de ce stress aigu, Marie-Pierre Moisan, quand eh bien, le stress se maintient à un niveau élevé et se prolonge dans la durée? Alors, quand ces systèmes-là, en fait, bon, ce qu'on n'a pas dit dans la première description du stress aigu, c'est que il va y avoir au niveau du cerveau une atteinte des structures qui sont impliquées dans la régulation de l'axe corticotrope, entre autres du stress en général, avec des régions cérébrales qui ont été très décrites, qui sont donc l'amygdale, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi l'hippocampe, où se jouent beaucoup les phénomènes de mémoire, mais aussi d'humeur, et puis le cortex préfrontal médian en particulier, qui est impliqué dans les prises de décision et dans l'évaluation cognitive de façon générale. Et en fait, même avec un stress aigu, les neurones dans ces structures vont subir des modifications qui se caractérisent par des rétractions de dendrites et par des pertes d'épines dendritiques, et donc du coup une diminution des contacts entre neurones. Les dendrites, on précise que c'est une partie du neurone qui est nécessaire à la communication interneuronale. Voilà. Tout à fait. Donc en cas de stress aigu, ça revient très très vite en place. Par contre, avec un stress prolongé, ces phénomènes-là, ils vont être plus importants et ils vont perdurer. Et donc du coup, si je dirais plus le stress est long ou plus il est intense, hein, les deux combinés à la fois, donc étant la formule la plus grave, on va avoir des atteintes sur ces structures-là. Et du coup, ça va complètement déréguler l'ensemble du système de stress. Sébastien Parnaudot, justement, sur la prolongation de ce stress, on parle beaucoup de choses, et on va parler dans la deuxième partie vraiment des pathologies liées au stress chronique. Mais comment expliquer qu'un système vertueux qui est précisément là pour nous aider à réagir à des situations inattendues, compliquées, à mettre notre corps et nos organes en ordre de bataille, comment expliquer que notre corps ne sache pas justement compenser ou réagir finalement à des stress qui, eux, continuent et perdurent sur la durée? Alors, du coup, il y a un point, c'est que ce stress-là, le fait de répondre à ces changements environnementaux, ça coûte de l'énergie à l'organisme. Donc, au bout d'un moment, évidemment, à force de demander de l'énergie, l'organisme finit par s'épuiser. Et alors, au niveau, pour être un petit peu plus précis, par exemple, au niveau de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, donc qui synthétise les glucocorticoïdes, tout à l'heure, Marie-Pierre vous a parlé des fameuses boucles de rétrocontrôle qui permettent, lors d'un stress aigu, d'avoir une augmentation ponctuelle de glucocorticoïdes dans le sang qui vont mener leurs actions, on va dire, vertueuses, puis un retour à la normale, hein, puisqu'évidemment, si le stress est terminé, il n'y a plus besoin d'avoir de glucocorticoïdes. En revanche, ce qui peut se passer en cas de sollicitation répétée de cet axe, nous pouvons avoir, par exemple, des dérégulations de ces boucles de rétrocontrôle négatives. Ça a été observé dans différentes pathologies, notamment pathologies psychiatriques, où, par exemple, les glucocorticoïdes ne vont plus être capables d'aller réprimer la libération et la synthèse soit d'ACTH, soit de CRH. Et du coup, ça va aboutir à un emballement de cet axe-là et à une augmentation, on va dire, chronique de ces taux de glucocorticoïdes qui vont alors commencer à avoir des effets plutôt délétères. Et c'est ce dont nous allons parler dans la deuxième partie de l'émission. Comment est-ce que le stress chronique peut conduire, eh bien, à un certain nombre de pathologies? Comment cette augmentation, ou au contraire, et vous allez le voir, la diminution de la production de glucocorticoïdes peut vraiment modifier certains équilibres en profondeur dans notre organisme? Ce sera dans quelques instants. Tu m'abuses, mais tu muses. reprise de Karen Lano à 16h32 sur France Culture. Et comme chaque jour en soutien à la scène musicale indépendante française, nous parlons de stress et plus précisément du stress chronique en compagnie de Marie-Pierre Moisan, qui est directrice de recherche INRAE dans l'équipe nutrition, mémoire et glucocorticoïdes de Bordeaux Neurocampus, et Sébastien Parnado, qui est chargé de recherche CNRS à l'IBPS dans l'équipe expression des gènes et comportements adaptatifs du département neurosciences Paris Seine. Alors, quel lien effectuer entre stress chronique notamment et dépression, hein, compte tenu de certaines difficultés expérimentales, notamment sur les modèles animaux? C'est évidemment toujours assez complexe d'étudier ce que peut produire le stress chez des animaux. C'est donc cette question du lien entre stress chronique et dépression que vous êtes allé essayer de comprendre en vous rendant à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, Jean-Jacques Benoliel a été membre de l'Institut du cerveau de la moelle épinière et est aujourd'hui responsable de la plateforme de biologie de la Pitié-Salpêtrière. Il y a quelques années, Jean-Jacques Benoliel a conduit une étude avec son équipe pour détecter des marqueurs de prédisposition à la dépression dans le sang après une exposition à un stress. Pour mettre tout ça en évidence, il a mené une expérience chez le rat et il nous explique en quoi tout ça a consisté, mais aussi quels résultats ont pu être mis en évidence concernant ce lien entre stress et dépression. Au cours d'un stress normal, l'organisme notamment va activer l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien pour libérer les hormones, en l'occurrence les glucocorticoïdes, qui visent à venir amener l'énergie vers le muscle et vers le cerveau. Et puis, une fois que le stress est passé, il y a un contrôle rétro-inhibiteur qui fait que cette hormone revient à la normale. Dans les cas de stress très intense, dans le cas de stress répété, eh bien, ces stress-là peuvent conduire à une pathologie et à un état pathologique. C'est-à-dire qu'en réponse au stress, va suivre une période qu'on va définir comme étant la période de post-stress, où effectivement l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien reste activé, où un certain nombre d'éléments vont continuer à se manifester. Je pense notamment au niveau neuroanatomique, où on a une diminution du volume de l'hippocampe. Et puis après le post-stress, on a normalement un retour à la normale. Sauf que chez certains individus, cet état de post-stress va se traduire immédiatement par un passage vers la dépression. Et chez d'autres individus, où on a l'impression que sur un plan phénotypique, l'individu revient à la normale, néanmoins, des traces vont perdurer. Et en réponse à un événement de vie qui va survenir plus tard, ces traces vont être révélées sous forme de dépression. Alors ça peut être un autre stress, souvent anodin, qui va provoquer à ce moment-là une dépression du fait que ces traces étaient présentes. Mais ça peut être aussi une pathologie, c'est là où ça devient aussi très intéressant. C'est-à-dire que lorsqu'une pathologie va se déclarer, va pouvoir se déclencher en même temps une dépression du fait de ces traces, et ce qui va entraîner à la fois une aggravation de la pathologie, une difficulté de la prendre en charge, et en même temps, l'apparition d'une dépression. Vous, d'un point de vue expérimental, vous avez pu mettre tout ça en évidence chez le rat. Alors expliquez-moi un petit peu en quoi a consisté vos expériences et pourquoi avoir fait ce choix-là de protocole. Ce que nous avons choisi et ce que nous avons développé pendant plusieurs années et validé, c'est un modèle dit de stress social chez le rat. Ce modèle de stress social consiste à mettre en confrontation notre rat expérimental avec un rat qui va l'agresser, mais il va l'agresser parce qu'il cherche à préserver son territoire. Et cette agression, et c'est là où c'est, je pense, très intéressant, c'est que cette agression correspond finalement à une perte de statut social. Ça correspond, par exemple, chez l'homme, à ce qui se produit fréquemment dans le monde du travail, où effectivement, il y a le supérieur qui va venir agresser une personne et qui provoque effectivement cette perte de statut social. Avec, dans le modèle que nous avons développé, une phase d'anticipation de cette phase de confrontation. Et là, c'est aussi un point très fort, parce que cette anticipation, finalement, est extrêmement anxiogène. C'est-à-dire que l'animal anticipe l'agression dont il va être victime par son congénère, parce qu'il l'a rencontré pendant plusieurs jours. C'est un modèle que nous développons sur plusieurs jours. Et donc, ceci provoque effectivement cet état de stress important. Une fois que cette procédure expérimentale s'est déroulée, les animaux reviennent dans leur cage et il n'y arrive rien. Donc ce modèle a l'avantage de nous permettre d'étudier la phase de post-stress. Donc sur des confrontations qui vont durer pendant 4 jours, cet état de post-stress perdure au moins 5 à 6 jours après la dernière confrontation, ce qui est quand même déjà quelque chose d'extrêmement important et qu'on objective au travers de mesures des glucocorticoïdes, au travers justement de mesures neuroanatomiques, etc. Et puis ensuite, on s'aperçoit qu'effectivement, chez les animaux, il y a cette phase de récupération qui s'installe. Et on a pu montrer que durant cette phase de récupération, on avait deux populations d'animaux, les uns qui récupéraient complètement sur tous les signes que nous mesurions, les autres qui semblaient récupérer, c'est-à-dire que l'axe et les glucocorticoïdes, par exemple, reviennent totalement à la normale, donc ça veut dire que l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien s'est réglé, que sur le plan comportemental, il ne présente aucune manifestation d'anxiété, de dépression ou autre. Je dis ça avec des guillemets, hein, parce que la dépression chez le rat, je ne pense pas qu'on puisse la définir. Mais néanmoins, nous avons pu mettre en évidence qu'il conservait certaines des traces. Alors, ces traces, elles sont nettes au niveau justement neuroanatomique, où perdurent des altérations au niveau de l'hippocampe, donc la structure du cerveau qui est responsable, entre autres, de la mémoire. Et on a pu montrer qu'une molécule, une neurotrophine, en l'occurrence le BDNF, est une molécule qui a été diminuée pendant le stress, qui reste diminuée chez tous les animaux stressés, en post-stress, et qui reste basse dans une population qu'on qualifie de vulnérable et qui, au contraire, remonte à la normale chez les autres. Donc ce BDNF peut être considéré comme un marqueur de la sensibilisation au stress qui nous permet de prédire si effectivement il y a un état de sensibilisation au stress. Et donc, tous ces animaux vont ensuite être soumis à un deuxième événement stressant, mais qui est extrêmement léger. Eh bien, il s'avère que chez les animaux non vulnérables, ce stress ne provoque que des effets tout à fait mineurs. En revanche, chez les animaux qui ont conservé ces traces dont je parlais, eh bien, ce stress anodin va entraîner un état que je qualifierais de type dépressif chez le rat, c'est-à-dire une augmentation, alors encore une fois, des glucocorticoïdes de façon importante, et puis des manifestations comportementales de type résignation qui s'apparentent plutôt à la dépression. Donc, cette trace laissée par le premier stress montre qu'effectivement, les animaux sont restés sensibilisés et répondent ensuite à un deuxième stress en présentant ce profil dépressif, ce qui correspond parfaitement à l'homme. Voilà, de l'effet du stress chronique sur le modèle murin et avec les conséquences de type dépression que l'on vient d'entendre. Peut-être une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez justement d'écouter, Sébastien Parnaudot. Alors oui, il y a beaucoup de choses intéressantes et familières dans ce qui vient d'être dit. Il y a un point intéressant déjà, c'est que donc dans ce modèle de stress que nous on utilise aussi au laboratoire sur des souris, ce type de stress provoque des phénotypes, des comportements de type dépressif. Hein, c'est toujours très difficile de parler vraiment psychopathologie chez la souris. C'est difficile de dire qu'une souris est schizophrène ou dépressive. Ça mériterait des heures de discussion. Mais en tout cas, on voit ces phénotypes s'installer et surtout, on les voit s'installer sur une partie de la population des souris stressées. Donc en général, on a, on va dire, 40% de souris qui sont, elles, dites résilientes, c'est-à-dire que malgré les stress, elles vont continuer à avoir des comportements normaux. Alors les comportements qu'on regarde en général, c'est en effet des comportements de résignation, des comportements d'anhédonie, hein, de préférence pour le sucre. Par exemple, une souris entre guillemets déprimée va avoir tendance à consommer moins de sucrose, et aussi les interactions sociales. Ce type de défaite répétée va provoquer un évitement social qui n'est pas classique chez des souris qui n'ont jamais été stressées. Et certaines souris sont complètement résistantes à ça, ce qui souligne que quand on parle de stress et de pathologie, on ne parle que de facteurs de risque. Il est impossible d'aller dire que parce qu'on a des stress répétés, on va déclencher une pathologie, soit psychiatrique, soit métabolique, soit peu importe. Ce sont des facteurs de risque qui rentrent en combinaison avec d'autres facteurs de risque qui sont environnementaux, mais aussi génétiques, des prédispositions génétiques qui peuvent favoriser le passage vers un chemin, on va dire, pathologique ou pas. Marie-Pierre Moisan, une réaction également à ce reportage. Oui, moi j'avais deux petites choses à rajouter à tout ce qui avait été dit. Donc la première chose, c'était pour faire le lien avec ce que j'avais dit avant. Donc dans le petit reportage qu'on a entendu, on a parlé d'altération de la structure de l'hippocampe. Et donc ce à quoi il faisait référence, c'était justement à ces rétractions de dendrites et à ces diminutions de l'arborisation neuronale. Que j'avais évoqué juste avant, et donc qui font que l'hippocampe en particulier va être plus petit après un stress chronique, et donc son fonctionnement va être altéré de ce fait, puisqu'il y aura moins de, ayant moins aussi d'épines dendritiques, il y aura moins de contacts neuronaux, et donc ça va altérer des fonctions d'apprentissage et de mémoire. Et il y a aussi quelque chose de très important dans l'hippocampe, c'est la neurogénèse, dont vous avez sûrement parlé dans une de vos émissions. Tout à fait. Et le stress va également diminuer cette neurogénèse et diminuer la survie des néoneurones. Et en stress chronique, donc ça va être très ralenti. Et ça, c'est très lié aussi aux troubles de l'humeur, hein, puisque les antidépresseurs, ils permettent de rétablir cette neurogénèse. Donc, et d'ailleurs, cette neurogénèse met 21 jours comme l'action des antidépresseurs. Donc ça, c'était la première remarque que je voulais faire, et j'ai oublié la deuxième entre-temps. Ça reviendra certainement dans le fil de la conversation. On peut préciser effectivement que ce que vous soulignez, il y a une étude de publiée en 2018 dans Neurobiology qui lie le stress chronique à une diminution de la taille du cerveau, pour les raisons que vous avez évoquées, Marie-Pierre Moisan. Mais j'aimerais peut-être vous poser cette question avant. Aujourd'hui, chez l'être humain, est-ce qu'il y a une symptomatologie du stress chronique ? Marie-Pierre Moisan. Vous voulez parler de au niveau du cerveau Est-ce qu'à un moment donné on peut vraiment diagnostiquer finalement un symptôme de stress chronique qui serait généralisé chez l'être humain, qui serait la conséquence directe d'une exposition prolongée à des facteurs de stress? Je pense pas que ça se présente de cette façon-là. Enfin, en tout cas, en clinique, on va pas consulter pour un stress chronique. On va consulter pour une pathologie, et cette pathologie va être la conséquence, ou en tout cas va être aggravée par des situations de stress chronique. Mais je veux dire, le stress chronique en soi, c'est pas une maladie. C'est pas en tout cas considéré comme une maladie. Donc, je sais pas si je réponds bien à votre question. Si, tout à fait. Non, c'était à peu près ça. Sébastien Parnaudot, peut-être qu'à ce moment-là, pour essayer de la reformuler différemment, on parle évidemment de dépression. On l'a entendu, vous l'avez dit, l'un et l'autre. Hein. Tout cela est évidemment extrêmement multifactoriel. Il y a la nature du stress chronique et l'intensité du stress auquel on est soumis, mais il y a aussi évidemment des susceptibilités génétiques à tout cela. Quels sont les autres types de pathologies, qu'elles soient psychiatriques ou métaboliques, que l'on peut lier ou dans lequel on sait que le stress chronique a un effet, Sébastien Parnaudot? Alors le stress, justement, c'est ça le point. Il n'y a pas vraiment de profil pathologique type par rapport au stress, puisque ça va déclencher, par définition, ça va être un facteur de risque pour, j'ai envie de dire, toutes les pathologies de façon générale. Il va y avoir au niveau psychiatrique, donc il y a pas mal d'études qui ont été faites évidemment sur stress et dépression, glucocorticoïdes et dépression, mais les taux de glucocorticoïdes se retrouvent également élevés dans d'autres pathologies, par exemple chez des patients atteints d'addiction. Ça va être élevé aussi chez des patients atteints de Parkinson, donc des maladies neurologiques. Pour le coup, on va retrouver des taux circulants de glucocorticoïdes élevés. On se retrouve aussi avec des stress qui peuvent déclencher les symptômes, les phases psychotiques chez des patients schizophrènes, par exemple. Avec aussi, là encore, par exemple, des taux de glucocorticoïdes élevés. Il n'y a pas que les glucocorticoïdes, hein, évidemment. Il y a les stress post-traumatiques, évidemment, liés au stress également. Et tout ça, c'est pour le cerveau. Mais évidemment, il y a aussi au niveau métabolique. Alors là, pour le coup, que je connais moins bien. Mais par exemple, les glucocorticoïdes, ils tirent leur nom simplement parce que c'était l'hormone qui s'opposait à l'insuline et qui favoriser la gluconéogénèse. Du coup, beaucoup de glucocorticoïdes, ça va provoquer forcément une augmentation des taux de sucre dans le sang, une hyperglycémie, et ça peut aboutir à des diabètes, entre autres. Donc voilà, il y a tout un tas de pathologies qui peuvent être déclenchées, aussi bien psychiatriques, neurologiques que métaboliques, en réponse au stress. Et ce qui est intéressant, par ailleurs, c'est que vous l'évoquiez, je crois que c'était vous, Sébastien Parnaudot, hein, on parle de 40%, en tout cas chez le modèle murin, de souris qui ne font pas de surexpression de glucocorticoïdes, mais l'hypo-expression, c'est-à-dire la sous-expression de glucocorticoïdes, le fait d'en développer moins, ça peut aussi, paradoxalement, être une conséquence du stress chronique, Marie-Pierre Moisan, et c'est pas du tout bénéfique pour autant. Oui, en fait, bon, c'est quelque chose qui reste encore à beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de choses à découvrir là-dessus, mais en fait, il y a des stress qui conduisent à une surproduction de glucocorticoïdes, et il y en a d'autres qui conduisent à une sous-production. Donc, par exemple, dans les états de stress post-traumatique, on a plutôt moins de glucocorticoïdes circulant. Également, suite à des abus sexuels, par exemple, pendant l'enfance, on observe plutôt une sous-production de glucocorticoïdes. Et donc, les effets sont aussi délétères parce que du coup, tout ce que réfrènent les glucocorticoïdes et donc les systèmes qui sont inhibés par les glucocorticoïdes sont nombreux. Donc, entre autres, le système inflammatoire, hein, ça c'est ce qui est le plus connu, mais aussi les glucocorticoïdes peuvent antagoniser le système sympathique dans certaines conditions. Ces niveaux trop faibles de glucocorticoïdes, vont avoir aussi des effets largement aussi délétères qu'une surproduction. Mmh. Donc on comprend pas exactement encore pourquoi dans certaines situations ça va aller vers une surproduction ou vers une sous-production. On soupçonne que en fait la sous-production est une conséquence d'une surproduction antérieure, voilà. Mais ça c'est quand même des choses qui sont pas complètement réglées, à ma connaissance en tout cas. Mais en tout cas voilà, les deux existent, hein, et les deux conditions amènent à des conséquences qui sont pas bonnes pour l'organisme parce que les glucocorticoïdes sont nécessaires dans le fonctionnement normal. Et par contre, quand ils sont en excès, ils sont également délétères. Vous venez de soulever. Pardon, excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. Dans les pathologies qu'on a peut-être oublié d'évoquer tout à l'heure, là, secondaire au stress chronique, il y a aussi beaucoup des problèmes de peau, des zonas, herpès, eczéma, psoriasis. Donc, c'est des choses aussi qu'on attribue beaucoup au stress chronique. Et puis, évidemment aussi, tout ce qui est des problèmes, tout ce qui est lié en fait à l'inflammation. Donc, par exemple, arthrite rhumatoïde, qu'est-ce qu'il y a encore? Toutes les maladies auto-immunes. Donc, tout ça, c'est des choses aussi qu'on attribue en partie, en tout cas, à des stress chroniques. Vous venez d'évoquer quelque chose d'intéressant, Marie-Pierre Moisan, et on parle de d'influence polyfactorielle. Sébastien Parnaudot, il y a aussi la notion de l'âge, c'est-à-dire qu'il y a des âges auxquels, et notamment dans l'enfance et dans la toute petite enfance, où le stress peut avoir des effets beaucoup plus délétères qu'à d'autres moments de la vie. Oui, tout à fait. Alors, juste pour rebondir un tout petit peu avant à ce qu'a dit Marie-Pierre Moisan, et pour compléter un tout petit point, donc en effet, peu de glucocorticoïdes, c'est pas bon, c'est même pas bon à tel point qu'en fait, sans glucocorticoïdes, on meurt. Enfin, on ne naît même pas, en fait. Par exemple, chez des souris chez qui on a enlevé, par mutagénèse, hein, on peut enlever chez les souris, on peut inactiver des gènes. Les souris chez lesquelles on inactive le gène du récepteur des glucocorticoïdes, de façon constitutive, ces souris meurent à la naissance d'un défaut de maturation des poumons. Donc effectivement, c'est l'exemple le plus le plus frappant qui montre que pas de glucocorticoïdes, c'est pas bon non plus. Donc, comme toutes les molécules biologiques, tous les processus biologiques en général, on se retrouve avec une courbe en U inversée, avec des taux trop faibles ou trop élevés de glucocorticoïdes qui seraient plutôt délétères, et des taux optimum qui permettraient justement un bon fonctionnement. Et pour revenir à votre question, du coup, oui, il y a des périodes de vulnérabilité, notamment l'enfance, où c'est une période. Alors l'enfance, mais aussi le développement embryonnaire, c'est des périodes assez vulnérables, simplement parce que, entre autres, l'axe HPA, mais certainement d'autres réponses physiologiques, d'autres mécanismes de réponse physiologique, sont encore assez flexibles et n'ont pas atteint une maturation complète, et du coup des stress intenses lors de la petite enfance par exemple peuvent changer plus facilement l'équilibre, la fonction de l'axe HPA à l'âge adulte. Pareil au niveau de l'adolescence, ça reste une période relativement vulnérable aussi, parce qu'il y a beaucoup de structures cérébrales, par exemple, qui ne sont pas complètement matures. On a parlé un peu du cortex frontal, qui est très sensible au stress, très sensible aux glucocorticoïdes. Ce cortex frontal, en fait, met longtemps à maturer. C'est la partie qui est importante pour la prise de décision, les fonctions cognitives, etc. Et cette partie-là, forcément, est très vulnérable pendant cette période d'adolescence. Mmh. Se pose également la question de la réversibilité quand on a été soumis pendant une longue période à du stress. Est-ce qu'il y a une sorte d'effet de plasticité neuronale qui permet, à un moment donné, de revenir en arrière et de réduire finalement les troubles associés que l'on a décrits, qui peuvent être liés au stress chronique, Marie-Pierre Moisan? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, parce que en fait, beaucoup des effets du stress passent par des phénomènes épigénétiques. Hein, donc c'est un terme qui vous connaissez. Donc c'est des modifications sur l'ADN, mais qui ne changent pas sa séquence. Et ces modifications, donc ces traces, elles sont réversibles. Donc elles sont réversibles si tant est que on fait ça, on fait ce qu'il faut pour qu'elles soient enlevées assez rapidement après le stress. Donc si on reprend les stress dans l'enfance, effectivement, les stress dans l'enfance ils sont très graves, parce qu'ils persistent très très longtemps, toute la vie si rien n'est fait pour améliorer la situation. Mais donc on a pu voir dans les cas par exemple d'orphelins, donc qui subissent un stress important avec une perte de parents, si en sortie d'orphelinat ils sont repris dans des familles qui prennent soin d'eux, on va effacer ces marques du stress qui sont donc délétères. Mmh. Et donc il faut le faire rapidement, parce que sinon la circuiterie neuronale qui est impactée, comme j'en ai parlé avant, elle va s'organiser d'une façon qui n'est pas optimale, et donc elle va produire des phénotypes vulnérables. Mmh. Alors que si on agit assez vite, et donc de nouveau, hein, ce sur quoi on insiste beaucoup aujourd'hui, c'est d'agir dès l'enfance, dans les 1000 premiers jours de vie, pour que l'action soit la plus efficace possible. Mmh. Question pour conclure, Sébastien Parnaudot, est-ce que aujourd'hui, si on sent qu'on est soumis à un stress chronique, qu'on a des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, qu'on a l'impression qu'on est victime d'une forme de stress persistant, est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'on sait comment lutter efficacement contre ce stress chronique au niveau individuel? Alors, pour le coup, je suis pas forcément spécialiste. Hein. C'est une question qui se pose certainement, enfin, à laquelle peuvent répondre beaucoup plus facilement des psychiatres et psychologues. Mais oui, enfin, je pense que si ce genre de choses arrive, clairement, la première chose à faire, c'est d'en parler. C'est de trouver une écoute, alors auprès de thérapeutes, justement, de professionnels. Je pense que déjà le fait de verbaliser et de démarrer une thérapie assez rapidement, c'est quelque chose de forcément positif. Marie-Pierre Moisan. Oui, bah, tout à fait. Déconstruire le stress, les causes du stress, c'est évidemment le moyen le plus efficace. Et puis après, ce qui est aussi évident, c'est une bonne hygiène de vie. Donc, on tombe dans le bon sens, mais c'est vrai que c'est extrêmement efficace. Donc, le sport, par exemple, on a montré que l'exercice physique, c'était aussi efficace que des antidépresseurs pour un certain nombre de personnes, en tout cas. Et puis après, une alimentation équilibrée avec un respect de nos rythmes biologiques, c'est-à-dire respecter les cycles jour-nuit, donc se coucher pas trop tard, et puis manger à heure fixe et en rapport aussi avec ces rythmes jour-nuit. Donc toute cette hygiène de vie, contribue évidemment à avoir un fonctionnement sain de l'organisme et à rétablir les déséquilibres qui peuvent être liés au stress chronique. Merci beaucoup, en tout cas, merci à tous les deux. Si vous voulez en savoir plus, Vaincre le stress, c'est le titre du numéro de Science et Avenir, la recherche, partenaire de la méthode scientifique de mois de février 2021. Plein de trucs, et notamment pour poursuivre cette discussion autour du stress et du stress chronique dans votre kiosque préféré. Merci Marie-Pierre Moisan, merci Sébastien Parnaudeau d'être venu nous parler du stress. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Natacha Triou, Eve-Étienne Minaguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Julien Calvas à la technique. Demain, on va remonter au tout début de l'univers, dans les premières fractions de seconde, ce qu'on appelle l'ère de Planck. Comment est-il possible de conceptualiser quelque chose de si petit dans un temps où le temps lui-même existe à peine et où la relativité générale et la physique quantique ne s'appliquent, pour ainsi dire, pas? Qu'est-ce que c'est que le mur et l'ère de Planck? On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.